J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Salut à tous et bienvenue dans cette 41e émission de Comics Discovery, une émission qui va être consacrée à la San Diego Comic Con en grande partie. On va aussi vous parler d'un titre qu'on a choisi, un titre que Romain a choisi d'ailleurs. Merci à toi Romain, ou pas merci, on te dira tout à l'heure. Donc vous l'avez entendu, je suis avec Romain, salut Romain. Salut. Je suis aussi avec Faye, vous l'avez entendu rigoler, salut Faye. Oui, bonjour James, bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs. Et c'est le retour, pour vous dire, ça va être peut-être la dernière de la saison, donc je me suis dit, on a commencé avec lui, on va finir avec lui quand même, ce serait pas cool sinon. Et Maxime est avec nous, salut Maxime. Salut James, tu m'as mis la pression, genre tu m'as lancé genre une superstar, tu vois. C'est la superstar, c'est le caméo de... le caméo de Captain America, de Captain Marvel dans Infinity War, c'est toi, tu vois, t'es cul. Voilà, merci. Donc voilà, et on va faire. Je sais pas si c'est un compliment en fait. Pourquoi ? T'as pas envie de voir Captain Marvel C'est pour se foutre de sa gueule un peu quand même. Non, pas du tout. Moi, j'ai vraiment envie de voir Captain Marvel. Non mais ça me va, il a choisi une héroïne blonde donc ça me va. Voilà, tu vois, j'avais compris. Je vois comment il est à l'intérieur. Non mais la relation entre les deux, il faut pas s'en mêler. C'est un peu comme le soldat de l'hiver avec. Voilà, c'est un peu ça, tu as bien raison. Voilà, exactement, tu es mon soldat l'hiver. tu m'as coupé, je sais. Oui, on va partir sur les news avec des grosses news. Allez, c'est parti. Donc je vous l'ai dit, on a des grosses news puisque c'était la San Diego Comic Con le week-end dernier, donc j'ai plein d'annonces à vous faire. Donc je me suis dit, j'ai vraiment trop de news, on va couper le truc en deux, moi je vais faire le comics, et Faye, comme elle est gentille et qu'elle avait un peu de temps, et surtout qu'elle était là quoi, je lui ai demandé de me faire le cinéma et les séries. Mais tu peux dire que c'est parce que je suis brillante, drôle. Exactement, parce que tu la caution cinéma et séries. D'accord. Voilà. Je vais commencer, je vais faire toutes les annonces comics, et puis on va enchaîner avec toi, ou peut-être qu'on débattra un peu plus sur le truc. Et on va commencer avec la Comic-Con, puisque oui, on va pas parler que de la CDCC. La Comic-Con de Lyon, donc c'est un festival lyonnais, pour les gens qui ne sauraient pas, qui est entièrement consacré aux comics, avant qui était affilié au festival BD Lyon, mais qui maintenant est tout seul. On a eu la chance d'y aller, je crois que c'était il y a combien de temps ? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, et c'était vraiment génial. Il faisait chaud, mais c'était cool. On a eu la chance de rencontrer plein de gens et c'est vraiment un festival que je vous conseille parce que c'est un plus petit format, un peu plus familial, avec vraiment que des gens passionnés de comics. Vous n'aurez pas de kikou de cosplayers ou des gens qui font des free hugs, ce genre de choses. C'est vraiment... Non, mais les cosplayers, c'est sympa. Faut pas. Oui, les cosplayers, c'est sympa, mais les cosplayers de Pokémon, on s'en fout un peu. Vous n'aurez pas de vendeur de sabre. Si ça ouais, voilà, le savoir. C'est voilà. Ça, exactement. Donc vraiment un festival pour des passionnés, fait par les passionnés, donc vraiment je vous conseille d'aller voir. Et cette année, comme c'est le centenaire de Jack Kirby, tout sera à l'honneur de Jack Kirby, donc il y aura plein d'animations autour de Jack Kirby, donc voilà. Pour les gens qui ne sauraient pas, Jack Kirby c'est quand même le mec qui a créé les 4 Fantastiques, Captain America, enfin une bonne partie des héros de chez Marvel et une bonne partie de l'univers cosmique de DC avec les New Gods et tout ça. Et avec Thanos notamment. Non, c'est pas lui qui fait Thanos, c'est lui qui fait Darkseid, excusez-moi. Thanos chez DC, n'importe quoi. Et ils ont annoncé leurs invités, je vais pas vous faire de name dropping à fond. J'ai sélectionné ceux dont les noms me disaient quelque chose. Donc le premier, c'est David Lafuente, que vous avez peut-être vu sur Archer Armstrong, sur New Mutant et sur Ultimate Spider-Man. Paul Renaud, le petit Frenchy, Paul Renaud, qui est sur Vampirella, qui a fait du Captain America, qui a fait du Red Soldier, donc c'est lui qui gère un peu derrière le TGS. Voilà, je pense que vous le connaissez. Il y a JL Mast aussi, qui est un petit Frenchie aussi, qui était sur Daredevil Punisher, Avenger Assemble Infinite et Ultimate Spider-Man Infinite. Donc voilà. Et aussi Alessandro Vitti, qui était sur du Red Lantern. Bon, je vais vite passer. Daniel, alors on a un petit débat avec Maxime sur comment prononcer son nom. Alors moi je dirais Akuna. Et tu dirais Asuna, ok. Ça savait plus ça c'est italien ou espagnol. Ça s'écrit A-C-U-N-A. A-C-U-N-A. Et il est de quelle origine? J'en sais foutre. Il me semble qu'il est mexicain. Ou enfin... S'il n'est pas mexicain, pas. Ce sera. Eh ben écoutez, si vous connaissez la réponse, Comedy Discovery. Dites-nous nous dans les commentaires. Donc, qui a été sur une Uncanny Avengers, notamment, que tu me disais tout à l'heure. Après, il y a Per Perez aussi. Donc, Per Perez qui a fait du Star Wars, qui a été sur. Je crois que tu connais un peu, Romain. Sur du Star Wars. Donc, ok, voilà. La régie me souffle que Daniel Acuna est espagnol. Ok. D'accord. C'est marrant que la régie de souffle, normalement, elle peut pas le faire, mais c'est pas grave. Et aussi, Xavier Fournier, qui, à mon avis, va. Xavier Fournier, c'est le mec derrière Comic Box. Donc, c'est un peu le grand sage, le grand gardien du temple français des comics. Et à mon avis, il y aura plein d'animations intéressantes avec lui. Donc, voilà. Moi vraiment, la Comic Con, ça me hype beaucoup. Et comme à mon gosse, je sais que c'est en septembre, je crois que c'est début septembre. 15 et 16. 15 et 16, merci beaucoup. Et en plus, tout à l'heure, tu m'as dit qu'ils allaient vendre, que tu avais vu sur Twitter, qu'ils allaient vendre des box. Enfin, vas-y, tu peux en dire. En fait, du coup, vu qu'ils sont un peu séparés de Lyon BD, je connais pas les bails, donc je veux pas dire de bêtises. Mais en fait, pour financer la Comic Con, ils vont vendre des box. Et dedans, genre, je dis une bêtise, ils auraient une chance sur 25 d'avoir un dessin de, ou un print ou un truc dédicacé de Liber Mero. Ok. Donc, n'achetez pas ça. Oui, il n'aime pas Liber Mero. Mais c'est assez cool, moi. C'est sympa, excusez-moi, pendant que je... Il est okay. Donc voilà, quand les box sortiront, on fera un article sur le site. Et excusez-moi. Et on va décéder à la radio. Ouais, je vais décéder à la radio. Et voilà, allez à la Comic Con. Donc tu m'as dit le 15 et le 16 15 et 16. Septembre, donc voilà. Ce sera cool, ce sera génial. Et je sais pas si on ira, on essaiera peut-être. Voilà. On va passer à une autre news. Le CDCC, ce n'est pas que les annonces de films, ce n'est pas que les annonces de nouvelles séries de comics, c'est aussi le Eisner Award. Donc j'en ai parlé plusieurs fois dans l'émission déjà. Le Eisner Award, c'est un peu les Oscars du comics. C'est là où on récompense les gens qui ont eu le plus de mérite dans l'année. Et encore une fois, je vais pas faire du name dropping, je vais vous citer un peu les grands gagnants, comme chaque année depuis quelques années, c'est Brian Kevogan et Fiona Staples pour Saga, puisque Saga a eu la meilleure ongoing, Brian Kevogan a eu le titre de meilleur scénariste et Fiona Staples a eu le titre de meilleur dessinateur encore et meilleur artiste de couverture. Donc voilà, ils ont un peu tout raflé. Je pense qu'ils ne vont plus avoir de place sur leurs étagères pour tous les prix qu'ils reçoivent chaque année. Mais il y a deux titres dont on vous a déjà parlé dans l'émission qui ont eu aussi un petit Eisner. C'est la meilleure série limitée qui était pour The Vision de Tom King et Gabriel Walta, dont on vous a déjà parlé dans l'émission. On vous en a dit vraiment du bien. Et en plus, c'est Maxime qui m'avait offert le titre pour mon anniversaire. Donc voilà, c'est encore plus un petit... Merci à moi. Un petit clin d'œil à lui. Donc voilà, c'est un titre que... allez écouter l'émission dessus... c'est vraiment un titre qu'on comptait. C'était quelle émission pour que j'en puisse retrouver Je sais plus là combien c'était. Dans les 30. Ouais, dans les 30. Il y avait déjà Romain. Honte à toi, tu sais même pas tes numéros. Non, j'étais pas là. T'étais pas là? Tu m'avais proposé, mais j'avais pas eu le temps de lire. Ah, ok. Et tu devrais le lire parce qu'il est vraiment bien. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens maintenant. Ok. Et un autre titre dont on vous a parlé, on l'a pas lu encore, mais c'est Love is Love, l'anthologie qui a été écrite en hommage et dont tous les bénéfices vont être remis aux victimes de l'attentat d'Orlando, donc l'attentat homophobe qu'il y a eu l'année dernière. Il a reçu le prix de la meilleure anthologie. Et en plus, c'est la petite Elsa Chartier, notre petite chouchoute à Comedy Discovery, qui a eu, je ne vois pas de tout doute. C'était le 33. C'était le 33, merci beaucoup. Donc le truc sur Vision, c'était le numéro 33. Heureusement qu'il est là, Maxime. Ouais, heureusement qu'il est là. Et tu aurais pu le faire la même chose Non, parce que moi je préfère te laisser souffrir. D'accord. Donc voilà, ça va sortir cet automne chez Bliss Comics. Donc si vous voulez lire Love is Love, voilà. Ça met un peu de patience. On va continuer avec une nouvelle news et c'est Superman qui va avoir droit à son Year One. Alors si vous êtes fan du Captain Crusader, vous avez sûrement lu le titre de Frank Miller et David Mazzucchelli, Batman Year One, qui a eu un animé qui est vraiment cool. Donc si vous avez l'occasion, regardez-le si vous n'avez pas lu le titre. Donc qui narre la première année du Chevalier Noir dans son boulot de protecteur de Gotham City. C'est de proxy. Non. Pardon. Jusqu'à maintenant. Proxénète de Robin, de Gotham City. Eh bien, DC Comics a annoncé que Frank Miller était en train de travailler sur un graphic novel de plus de 100 pages qui s'appellerait Superman Year One. Donc, et que ce serait un titre qui s'intéresserait plus à Clark Kent que vraiment à l'homme d'acier. Et malheureusement, ce n'est pas David Mazzucchelli qui vraiment dessine vraiment très très bien qui dessinera ce titre, mais John Romita Jr., dont je vous laisse juger vous-même. Quand il a le temps, quand il a un peu de temps devant lui. Moi j'aime bien les petits traits sur les visages. Et les gros nez un peu pâteux. Ouais. Moi ce qui me pose problème c'est. Attends, je ne retrouve plus son nom, tu viens de dire. C'est Frank Miller. Mais Frank Miller. Non mais Miller, j'imagine le truc pro-ricain à mort parce qu'il n'y a pas plus pro-ricain et ennuyeux que Superman. Ça dépense. Oh non, ça dépend des titres. Ça dépend franchement, des... t'as pas lu beaucoup. Non, est-ce mais que t'as vraiment j'en ai lu plusieurs, mais Dark Knight 3, à chaque fois il y a toujours un sous-entendu. C'est un peu limite. Ah ouais, Dark Knight 3 dans le genre les Américains c'est le meilleur, il faut défoncer la gueule. Il y a souvent on va dire un sous-texte plus ou moins caché entre parenthèses. Ouais, bah, c'est Frank Miller. Mais là sur Superman, à mon avis, il va pas résister le gars. Hein. Je le sens pas du tout. Hein. Bon, on va parler de trucs un peu plus heureux avec Snyder qui débauche chez Marvel pour son Batman Metal. Alors, il y a eu pas mal d'annonces autour de Batman Metal, de Scott Snyder, dont vous avez déjà parlé maintes et maintes fois dans l'émission. Je pense que vous le savez, c'est l'univers un peu décalé où Batman a des haches et il défonce... Ah, merde, bah, tu peux répondre s'il te plaît. Excusez-moi, mon portable ici. Et c'est Thomas qui devait être là, mais qui n'est pas là, malheureusement. Donc, on continue. J'étais en train de vous parler de Snyder qui a fait des annonces et qui a dit que un de mes dessinateurs préférés, je pense, c'est Olivier Coipel, le petit Frenchie que vous avez peut-être vu sur House of M. Il était sur Spider-Verse. Oui. C'était bien sur Spider-Verse. C'était trop beau. Ok. C'était pas comme du Jim Chung, quoi. Quel enfoiré. Il dit ça parce que je dis que Jim Chung est un peu un sous-Coipel. Parce que ça se ressemble un peu, c'est un peu dans le même délire. Et il a fait du tort aussi. Il faut qu'il change l'ampoule de sa lampe à la maison. Mon dieu. Je ne regretterai même pas. Donc il va faire un titre qui s'appellera Batman Found. Donc il sera dans l'univers Dark Matter. Et alors. Selon ma news, c'est un autre Frenchie, Ben Gall, qui devait faire la cover, mais Maxime a eu des news sur mais Twitter. Radio Gossip a des meilleures news que moi, vas-y. Si du coup, sur Twitter, pour pas les nommer, CB, on congratulait Ben Gall d'être sur la série, puis il a dit non, finalement j'y suis pas. Enfin, j'avais promis, apparemment, DC avait promis un ongoing, finalement c'est tombé à l'eau, et. Ils ont annoncé qu'ils faisaient des trucs, mais qu'ils faisaient les covers, mais finalement il est là en point de. Je sais pas si je vais faire les covers. Ah, en même temps, il a pas besoin de ça, vu ce qu'il gagne chez Blizzard. Ah, il bosse chez Blizzard. Ah, oui, c'est vrai qu'il fait les. Overwatch. Il fait Overwatch, c'est vrai, c'est vrai. Et on va toujours vous parler de Batman Metal. Et c'est Jeff Lemire qui vient de décocher d'ailleurs un Eisner Award pour la meilleure nouvelle série avec Black Hammer qui va sortir, je crois que c'est en octobre ou en septembre chez Urban Comics. Donc, qui va virer de bord après 2 années d'exclusivité chez Marvel. Il a signé pour un one-shot qui s'appelle Hawkman Found, donc qui sera la suite de Batman Found. Il sera dessiné par Brian Hitch et Kevin Nolan. Et en plus, il va faire une ongoing sur le même personnage, donc sur Hawkman, l'année prochaine. Donc, moi je trouve ça cool parce que j'aime bien le personnage d'Hawkman et il est pas assez mis en avant selon moi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Moi je trouve qu'il est pas mis en avant et que ça me dérange pas. Ah d'accord. Bon bah. Quel perso t'as dit Hawkman. Ouais, on s'en fout. D'accord. Il est mis en avant dans la magnifique série Legend of Tomorrow. On parle dans Dark Metal et il est un petit peu en avant. Ouais bah voilà. À moitié. Et en plus de ça, il va gérer une nouvelle équipe qui va s'appeler The Terrific, donc Jeff Lemire, hein, pas Hawkman. Donc une série qui sera dans l'univers Dark Matter aussi, et ça réunira Monsieur Terrific avec un nom comme ça, forcément. Metamorpho, Phantom Girl et Plastic Man avec des tout nouveaux designs pour leurs costumes, qui sont assez cool d'ailleurs. Ouais, c'est pas trop les nouveaux designs. Effectivement, le costume de Plastic Man. L'illustration était super. Ouais. Et selon Jeff Lemire. La série va beaucoup ressembler à du 4 fantastique de Stan Lee et Jack Kirby. Donc moi ça me donne envie. Voyage dans le temps ? Je ne sais pas, peut-être. Pourquoi il y avait du voyage dans le temps ? Non, c'est plus dans les univers. Oh, il y avait à mort de voyage dans le temps, c'est eux qui vont aller chercher Apocalypse dans l'Égypte antique, etc. Non mais non, de Jack Kirby et Stan Lee, donc ça doit être le... C'est à ce moment-là qu'ils vont, non ? Apocalypse et les 4 fantastiques. C'est plus les X-Men, non ? C'est pas avec... Ah non, c'est les 4 Fantastiques qui vont boucler le couvercle d'Apocalypse. D'accord. C'est les X-Men qui vont le réveiller après, mais... D'accord, si tu le dis. Et on va rester sur Batman Metal, parce qu'ils ont annoncé tous les méchants, je vous en avais parlé, qu'ils allaient prendre des personnages de DC, ils allaient les Batmanifier, et en fait vous aurez le droit à des one-shots sur chaque méchant, et j'ai trouvé que c'était marrant de faire un petit quiz, parce qu'en fait ils ont tous un nom un peu marrant, en rapport avec leur pouvoir. Et ce sera à vous de deviner, enfin aux gens autour de la table, de deviner de quel méchant il s'agit. Alors, si je vous dis The Red Death. C'est Flash. Ouais, voilà. Bravo. Donc ce sera une série par John Williamson et Carmine Di... putain, les Italiens, vous avez vraiment des noms. Giando Domenico. Voilà, exactement. Il y a aussi The Murder Machine. Tu le sais ? C'est le Cyborg. Oui, voilà, c'est Cyborg. Donc une série par... non, un one-shot, excusez-moi. Par Frank Thierry et Riccardo Federici. The Dawnbreaker, qu'on pourrait se traduire par le bourreau de l'aube. C'est Doomsday ? Non. Non, c'est Green Lantern. Ah, c'est... Ouais, ah, c'est oui. Green Lantern. Donc une série par Sam Humphries et Ethan Van Skiver. The Drowned, donc le noyé. Là, c'est tout simple. C'est Aquaman. Oui, voilà, Aquaman, par Dan Abnett et Philippe Tan. The Merciless, donc le sans pitié, oui. La meilleure série, avec le meilleur dessinateur. Oui, effectivement. Tu as vu la news. C'est quoi, c'est du Batman? Non, mais là, c'est des personnages de l'univers de DC qui sont Batmanifiés. Avec des nouveaux noms. Ok, d'accord, j'avais pas compris. Donc, non, elle n'a pas suivi. Donc, personne. Je suis désolée. C'est Wonder Woman. Oui, c'est Wonder Woman. Okay. Avec Peter J. Tomasi et Francis Manapul. Et je pense que oui, ça doit être la meilleure équipe créative. La deuxième meilleure équipe créative du monde. J'avoue, après, ça donne envie. Après Scott Snyder et Greg Capullo. Et The Devastator. Bah c'est Doomsday. C'est Doomsday. Avec une équipe pas encore annoncée. Et le dernier, qui est le plus simple, je pense, c'est The Batman Woolof. Le Joker. Le Joker. Qui a un petit Robin sur la couverture, on voit juste les ombres, et il y a un petit Robin qui se balade à côté de lui. Ah, c'est marrant. Donc je sais pas qui ce sera. Peut-être sa fille. Et du coup, on a eu les silhouettes, mais aussi on a eu l'annonce des cinq. Je crois qu'il n'y avait pas le Joker. Il n'y avait pas le Joker, mais tous les autres, ils sont présents. Ça fait vachement penser au. Hellspawn Dark Age, la façon dont c'est dessiné, ah ouais, c'est super beau. Moi aussi, je trouve ça vraiment stylé, et on dirait qu'ils sont des espèces de comment dire, d'armures un peu. C'est des armures ultra gothiques. Ouais, voilà. C'est vraiment pas mal. C'est super stylé, ouais. T'as un petit avis dessus, Maxime, je sais pas si tu l'as vu. Deux. Si j'ai lu quoi. Si t'as vu l'image. Ah oui, j'ai avec vu. Avec les je sais pas comment on les annonce encore, s'ils ont un nom d'équipe. Enfin, les Batmanifiés, voilà. Non, tu trouves ça... Non. Bon, voilà. Je sais pas, j'attends de voir. Je suis pas super chaud sur le... Ok. On va rester chez DC avec Morrison, donc Grant Morrison, le scénariste écossais qui a annoncé 2-3 trucs, et notamment Wonder Woman Earth One, bon, la suite. Donc ça, moi, ça me hype beaucoup. Je vous en avais parlé dans l'émission. Son Wonder Woman, c'est vraiment très très cool. Et il a dit qu'il essaierait de prendre qu'il voulait s'éloigner de la vision du personnage habituel pour développer un nouveau point de vue sur la culture Amazon. Et en plus de ça, nous avons eu la chance d'avoir le retour de Yannick Paquette sur le personnage. Il a balancé 2-3 planches sur Twitter qui sont vraiment génialissime et très très très belle, donc allez checker ça si vous voulez. Moi je suis j'avais beaucoup aimé le titre, donc la suite je suis content. J'ai pas eu le temps de le lire, mais c'est vraiment sur ma liste parce qu'il est très beau. Ouais, effectivement, tu as très raison. Et un truc qui t'a hypé pendant 30 secondes quand je t'ai dit qu'il allait faire une suite à Arkham Asylum, vraiment tu aimes beaucoup Arkham Asylum. J'étais tellement content. Jusqu'à ce que t'annonces le... Et j'annonce le dessinateur, parce que normalement c'est Joke, je crois, qui est sur, ouais, qui est au dessin dans la première série. Mais là, ce n'est pas Joke qui reprend, c'est Chris Burnham, que vous avez peut-être vu sur Batman Incorporated. Et c'est, moi, je trouve vraiment que c'est moche, personnellement, mais... Ça fait le boulot pour raconter l'histoire, ça fait pas... Moi, j'aime pas du tout Chris Burnham. Mais Asylum, c'est d'abord le graphisme, c'est un truc torturé, il est magnifique, il faut se procurer le premier, il est... Et là, il a utilisé un terme pour définir sa série, un terme de série télé, et c'est Faye qui va nous l'expliquer. Oui. Si je te dis une série, enfin un moment, Jump the Shark. Ah, sauter le requin, c'est, oui, un moment qui est un peu n'importe quoi, quoi. Ça vient d'un épisode de Happy Day où en fait on avait un personnage qui sautait littéralement par-dessus un requin. En ski nautique. Voilà, en ski nautique, ouais. Et il a dit que ce serait une série comme ça, donc il allait vraiment se faire plaisir. Ce serait dans l'univers de Batman 66, donc c'est l'univers alternatif. Enfin, le futur alternatif où Damien Wayne, très très violent et très très caractériel à récupérer le costume de Batman. Le costume de Columbo mélangé au costume de Batman. Ouais, voilà. Puisqu'il est une espèce de veste un peu. Ouais, d'impair. En fait, c'est Damon Wayne, le douchebag comme il est d'habitude. Non, sauf qu'il est plus violent. Qu'il a moins de. Ah, c'est vrai qu'il est pas violent. Non, non, non, dis ça au troisième Robin, tu verras, c'est pas violent. Donc voilà, moi ça me. J'aime pas trop Grant Morrison et Chris Burnham, voilà, non, ça me hype pas beaucoup, mais. Bah, le titre était. Bon, c'est dommage. Tu conseilles plus Arkham Asylum, c'est ça? Ah ouais. Ok. On va rester encore chez DC avec plus d'infos sur Doomsday Clock. Donc c'est l'event qui va suivre à The Button, le dernier event en date. C'était Batman et Flash. Et ce sera écrit par un Geoff Johns qui va. Je sais pas comment il trouve du temps entre les films, les séries et tout ce qu'il fait en tant que directeur de DC Entertainment. Mais il arrive à prendre le temps d'écrire des comics. Et il va écrire celui-là. Donc ça va être la suite d'une espèce de lien entre l'univers de DC et Watchmen, et la série sera dessinée par Gary Frank, et Gary Frank c'est très très très très beau, c'est très correct, très joli, ouais. Et donc ce sera 12 numéros, ça va nous emmener un an dans le futur de l'univers de DC, et en fait ça va s'étaler sur pas mal de temps, je crois que ça va arriver jusqu'à décembre 2018, excusez-moi. Et en fait, à la fin, je sais pas trop ce qui va se passer dans l'event en lui-même, enfin dans la mini-série en elle-même, mais en tout cas, à la fin, il y aura un gros crossover entre la Justice League et les membres de Watchmen, et notamment un espèce de duel entre Ozymandias et Lex Luthor. Et je crois que ça hypait beaucoup notre ami Romain. Ah ouais, j'adore Ozymandias, je trouve que c'est le personnage le plus intéressant de tout l'univers comics que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Mais alors pourquoi ils font n'importe quoi avec ce perso? Enfin, je suis désolée James, mais il est intéressant, mais à chaque fois on le met dans n'importe quelle histoire et... Met dans n'importe quelle histoire. Before Watchmen, je suis désolée. Ah non, le truc de Jay Ali, il était génial. Moi je suis désolée, mais je trouve que Watchmen, ça se suffisait à lui-même, et ce qu'ils ont fait là, les Before Watchmen, moi j'ai pas du tout accroché. Ah, moi j'ai trop kiffé. J'ai trouvé ça bien, ça respectait bien le cadre donné par Watchmen. On retrouvait bien toutes les petites illustrations, tous les petits. Ça s'articulait autour. Ça dépend des séries, il y a des séries qui sont moins bien. Genre le comédien, c'est pas génial. Déjà, c'est dessiné par Bermero. Donc j'ai pas accroché au scénario. J'ai lu. Il y en a qui étaient superflu. Celui sur Dr. Manhattan. Ah oui, ouais, on a tout Dr. Manhattan dans Watchmen, il n'y avait pas besoin. Celui sur Les Minutemen, c'était génial. Les Minutemen, il était vachement bien. Ouais. En plus, il reprenait exactement l'article. Ça pourrait être pas mal. Ouais. Et Spectre Soyeux, c'était cool aussi. Ah, ouais. J'ai pas aimé ça. Ozymandias, dessiné par Jay Ali, moi j'avais trouvé ça vraiment très beau et vraiment intéressant. Le début, j'avais bien aimé. Genre les trois premiers numéros que j'avais lus. Et après, j'ai lâché la série parce que ça m'a gonflé. Et c'est dommage parce que c'est pas mal du tout. Et je sais que Maxime, il aime pas trop. C'est lequel que t'as lu? Celui avec Darwin Cook. Minutemen. Que tu n'as pas aimé. J'ai pas aimé, ça m'est tombé des mains et j'ai essayé de le vendre et personne ne l'a acheté. Quand il est mort, j'ai essayé de le vendre un peu plus cher, je me suis dit je vais me faire du bif sur son dos. Et personne n'a voulu. Oh là là. Il est toujours chez moi. Bah si tu veux, donne-le moi, moi je le prends. Même si je les ai déjà en... Bah ouais, aussi. Moi j'ai les kiosques, moi. Noël, hein. Ça marche. Hein. Donc voilà, c'était toutes mes news sur DC. On va passer chez Marvel. Alors, comme Jeff Lemire... Oui, je sais. Comme Jeff Lemire a quitté DC, il leur faut une nouvelle personne sur sa série sur Thanos. Et on va avoir une nouvelle ongoing sur Thanos, avec cette fois Donny Cates et Geoff Shane au dessin, je crois. Et moi, je trouve ça cool parce que c'est un personnage que j'aime bien. Et pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est une ongoing, parce que je dis ongoing depuis le début, ongoing, c'est une série en cours, donc il va rester sur le long terme. Enfin, si ça vend bien. Parce que chez Marvel, ça se coule. Il y a des ongoing en 6 titres chez Marvel. Ouais, voilà, exactement. Mais à mon avis, Thanos, ça va se vendre par paquet. Ça se vend surtout avec Infinity War qui arrive. Ouais. Donc moi, je trouve ça cool. Non, il n'y a personne qui relève, c'est pas grave. Sans plus. On va passer à la suite. C'est dur de passer après les meilleurs, quoi. Effectivement. Et c'était Mike Deodato Jr. sur le dessin avec les meilleurs. Donc c'est encore plus dur. Moi je l'ai même pas lu cette série. Peut-être qu'on la fera un jour. Peut-être si elle est cool. Elle est pas sortie en VF encore. Ça peut pas sortir en VF? Ok. On va continuer avec Marvel qui fait un gros fuck à Nick Spencer et, avec son, et à son Captain America, puisqu'ils vont faire, ils ont annoncé la 53e série, et c'est une série Captain America, et c'est Mark Waid et Chris Samnee qui récupèrent le titre. Donc Mark Waid et Chris Samnee, ils ont déjà été sur Daredevil ensemble et ils avaient reçu un Eisner Award pour le titre, donc ça, c'était vachement bien. Tu l'as lu J'ai lu le tout le run, c'était vachement bien. Ok. Et en plus, je sais que Juni est vraiment très fan de Samnee. Et enfin, moi, je vois pas de son trait. Il a un style un peu très simpliste, très carré. Enfin, c'est vraiment hyper épuré, je trouve. Est-ce que c'est cartoony? C'est hyper cartoony, donc j'aime bien. Ok, d'accord. Et donc voilà. Et apparemment, Mark Waid a dit qu'on retrouverait le Captain America que l'on connaît et que l'on aime. Donc on oublie tout le run de Nick Spencer et tous ces gens qui brûlent des comics sur Internet. Donc voilà. Pour les gens qui ne savent pas, Captain America était passé du rôle, enfin était passé chez les méchants, chez l'Hydra, l'espèce d'organisation nazie de chez Marvel, et bah, ça n'avait pas plu à beaucoup de monde. Ah ouais, ouais, il me montre une photo de Samnee, ouais, c'est vrai que c'est joli, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça vous vend du rêve ou pas du tout Moi non. Moi j'avais bien aimé ce que faisait Spencer, donc je suis un peu déçu. Ah ouais. Mais du coup t'aimes Mark Waid et... Si t'aimes bien Mark Waid, oui, mais c'est dommage je trouve de casser le truc. Bon, ouais. Après c'est un reboot donc... Bah c'est un peu comme s'il dit c'est chier Dan Slott en plein milieu de son rôle, son truc sur supérieur, alors qu'il puisse pas le faire ni quoi. Ouais, c'est ça un peu. Et c'est dommage. Et bah, ma dernière news, avant qu'on passe, je pense qu'on va faire une petite pause, une pause musicale avant de faire le cinéma. Excusez-moi, je suis. Il y a trop de news, je parle trop, c'est chiant. Donc, la dernière news que j'avais, c'était X-Men qui se paye Ed Peace Corps, qui avait fait de l'un des qui avait gagné un Eisner Award il y a quelques temps pour un titre indé qui s'appelle Hip Hop Family Tree, qui va être sur un titre X-Men qui s'appelait X-Men Grand Design. Et ce sera une série en 6 numéros. Et en fait, chaque numéro reviendra sur 10 ans de l'univers des mutants. Et au final, on aura une espèce de chronologie de X-Men. Et je trouve que ça allait bien dans le délire qu'ils avaient en ce moment avec Legacy, où ils essaient de jouer un peu sur la nostalgie. Là, on retrouverait un peu ce délire là. Donc voilà. T'en as que pour Marvel et DC, quoi. Ah bah, j'avais que des news. Y avait et pas de news. Ghostbusters et Tortue Ninja saison 2. On s'en fout. Bon, d'accord, c'est vrai qu'on en parle pas du coup. On s'en fout du tout. Il y avait pas de news indé. Il y aurait des trucs images. Il y avait deux trucs indé, c'était pas terrible. Ouais. Et les Eisner Awards, j'ai parlé de Saga. Voilà. Donc, comme tous les ans. Oui, bah voilà. Lisez Saga, parce que Lisez Saga, c'est bien. Et on va passer à la première pause musicale. C'est Les Trois Accords, un groupe québécois que j'apprécie beaucoup, avec leur chanson Dans le coin. Yeah. vous êtes toujours dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du comics. Et cette semaine, on vous parle des news de la San Diego Comic Con, donc le plus gros festival au monde, je crois, autour de la convention. Convention, oui. Bon, c'est la même chose, non? Je sais pas. Ou... Convention, c'est mieux. Et bah, juste avant le titre, donc, qui était les trois accords dans le coin, je vous ai fait toutes les news comics. Enfin, une partie, hein, parce qu'il y en avait plein, mais j'ai un peu sélectionné, j'ai un peu fait le tri. Et maintenant, je vais pouvoir me reposer, parce que c'est Faye qui va nous faire les news cinéma, et on va pouvoir... Cinéma et série télé. Cinéma et série télé, et on va pouvoir... qu'est-ce que je disais, oui. Bah, je vais pouvoir commenter. Commenter, voilà. Ok. Bah écoutez, je vais commencer par des petites rapides, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas vraiment grand-chose à voir avec DC et Marvel, comme ça on s'en débarrasse. Ouais, vas-y. Donc déjà, une info qui va donc intéresser Monsieur Romain, à savoir que le créateur de Spawn, à savoir Todd McFarlane, si je prononce McFarlane, bien, McFarlane. Voilà, a annoncé donc la production d'un nouveau film sur Spawn qu'il réalisera lui-même et qui sera produit par la société Split, à qui on doit le film Get Out. Donc ouais, c'est assez... Je suis super content et en même temps, c'est McFarlane, ça fait 10 ans, 15 ans qu'il essaye de sortir son Spawn 2, donc c'est pas parce qu'il l'a dit qu'il le fera. Mais c'est pas un réal, hein, déjà. Enfin... Donc, bah, il faut voir, après, bon, c'est sûr que c'est l'auteur. Je crois qu'il a été réal sur la série Spawn animée. Ah ouais. Et elle est vraiment géniale. Ouais, elle est cool, ouais. La série animée est cool. Moi, je dis oui, ça sera bien que ce perso revienne, il était intéressant. Puis j'avais bien aimé le vieux film. Bon, c'est sûr qu'il a très mal vieilli. Il a vraiment vieilli. Mais quand j'étais jeune, j'avais bien aimé, donc voilà. Je sais pas si vous vous souvenez de la cape, parce que Spawn a une cape un peu infinie. Allez, à l'époque c'était très beau. Pour l'époque c'était très beau. Pour l'époque c'est très beau. Là, maintenant, est-ce que tu l'as vu Oui, quand il se met sur la moto là, ouais. À la fin, dans le cimetière. C'était qualitatif. Et Violator, il est génial. Ah oui, avec le le clown. Donc, ouais. Démon, c'est, donc c'est, un reboot c'est... ou une suite Alors, je pense que c'est une nouvelle adaptation. Hein, okay. Ouais. Parce que vu comment l'autre, elle n'est pas non plus dans les meilleures adaptations qui existent. Donc, tant qu'il en profite, hein, quitte à y être. Enfin bref, ensuite, pour les amateurs de zombies, il y a eu un trailer pour Walking Dead. Donc on voit, il y a encore des gens qui regardent Walking Dead. Ouais, moi j'ai suivi. Alors la dernière saison était très mauvaise, il ne se passait pas grand-chose. Là, on nous promet plusieurs choses. Je ne vais pas trop spoiler ce qu'il y a dedans. Mais... Si ce qui nous montre dedans est bien géré, ça peut peut-être rapporter un peu de nouveauté, un peu plus d'action. Si c'est mal géré, on va encore s'emmerder. Tu m'avais dit qu'il y avait des histoires de... Je veux pas spoiler, okay, donc c'est pour ça que je l'ai pas dit, James. Voilà. Alors ensuite, on va passer... Il y a personne qui suit Walking Max... Si, moi je le lis et je regarde. Et alors? Et ça baisse en qualité d'année en année. Ah mais oui, c'est... Bon. Même en comics? Même en comics. Enfin, à un moment que ça a baissé en qualité en comics. Hein. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que moi je pense que la série devrait s'arrêter, mais apparemment son créateur il prévoit encore 8 saisons supplémentaires, okay. Voire plus. Tant que ça marche, je sais même pas s'il a le temps de se relier avec tous les trucs qu'il fait. Mais à côté. Je pense pas, parce que vu la connerie qu'ils font, enfin bref. On va pas épiloguer là-dessus, on a pas mal de choses à dire encore. On va passer chez Marvel, qui ont fait pas mal d'annonces. Alors, vite fait, on sait qu'il va y avoir un film sur le Docteur Doom qui sera réalisé, ou au moins écrit en tout cas, par le showrunner des séries Fargo et Légion. Donc, ah oui. Noah, alors Harvey, si je prononce bien. Excusez-moi, j'ai du mal avec son nom. Enfin bref, si vous connaissez la série, voilà. Alors, je vois pas trop ce qu'ils vont faire autour de ce personnage. Pourquoi pas, moi j'aime bien Docteur Doom. J'aime bien la latérie et Fatalis. Après j'ai rien contre le perso, espérant que ça soit mieux que ce qu'on a vu dans les deux films des Quatre Fantastiques. Parce que les deux dernières itérations, donc il y avait Julianne McMahon, qui était dans les deux premiers. Ouais. Qui était pas génial. Bah, c'est Julianne McMahon, il a un problème de bouche tout le temps ouverte et de sourcils. Mais même son costume, il était super moche. Ah, c'était. Et on ne parlons pas du costume dans Fantastic Four. Je sais même plus le mec qui le joue. J'en ai plus son nom. Ouais, je l'ai pas noté, bon, c'est pas grave. En tout cas, c'était ridicule, donc j'espère que ça soit mieux. Bah oui, écoutez. Alors ensuite, question news. Alors on avait déjà eu un aperçu à la D23, mais là c'est bien confirmé. Captain Marvel, donc on en parlait tout à l'heure. Ouais. Sortira donc en 2019. Il devrait se passer durant les années 90. On devrait retrouver Samuel Jackson dedans. Et il devrait avoir les Skrulls en ennemi. Ouais, ça c'est cool ça. Je pensais qu'ils n'avaient pas encore les droits des Skrulls, mais finalement ils les ont. Et du coup, c'est comme Pietro et Wanda. C'est normalement c'était les Quatre Fantastiques. Ouais. Mais là c'est ils n'ont pas trop le droit de dire que c'est les Skrulls et rapporté à l'univers, mais ils peuvent s'en servir. D'accord. Okay. D'accord. En tout cas, on a vu justement des images pour montrer à quoi ressembleraient les Skrulls dans ouais. le film, et c'est assez ils ont la même gueule que les c'est copie conforme. Ouais. Et apparemment, on aurait droit à Nick Fury avec les deux yeux. Ouais. Ouais, ouais. Bah, c'est dans les années 90, il n'avait pas encore perdu son œil. Il était fort à Galaga, par exemple. Des jeux, et toujours, toujours Brie Larson. Oui, oui, qui est toujours prévue au casting. Ouais. Elle était là, il me semble, d'ailleurs, à la Comic-Con. Mais moi, j'ai hâte de la voir dans le costume, quoi. Bon, on verra. Je ne sais pas quelle version ils vont lui faire, s'ils vont lui faire la version actuelle avec les cheveux courts. Ou... Ah, ouais. Ou avec. Non, elle a, sur les images, elle a son petit carré plongeant. Un point coiffure. Un point coiffure, magnifique. Je continue. Alors, apparemment, on a eu de nouvelles images, enfin un nouveau trailer secret pour Black Panther qui a été diffusé, mais pour l'instant, il n'a pas encore été vu sur le net. Déjà, il y a une nouvelle affiche. Ouais, aussi une nouvelle affiche. Qui est beaucoup moins ridicule. Beaucoup moins photoshopé. Ah oui, il est sur une espèce de statue, c'est ça ? Il est debout. Oui, il est sur la statue Panther. Là. Ouais, ouais. Donc, écoutez, si ça sort sur Internet, en tout cas, ces images ont beaucoup plu aux gens qui ont assisté au panel. Donc, Moi, je crois que c'est le film que j'attends le plus chez Marvel. Moi, je m'en fous. Panther. Sauf qu'il y a Andy Serkis dedans, c'est tout. Je veux voir que lui. Moi, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Ah ouais ? On s'en fout. T'attends toujours ton film Hulk que tu n'auras jamais. pleure. On le verra un petit peu dans Thor 3. C'est... Ouais, avec un nouveau design d'ailleurs. On en parlera après. On en parlera après au monde de Thor 3. Alors ensuite, des nouvelles de Ant-Man 2 qui s'appellera donc Ant-Man et la guêpe. Quoi, Wasp. The Wasp. Voilà. Donc on sait que Michelle Pfeiffer va jouer dans le film. Elle va jouer le rôle justement de la mère d'Evangeline. Ma Janet, de elle va Hope faire. Van Dyne. Oui, mais bon, moi je préfère que c'est la mère d'Evangeline Lilly. Il y a aussi Laurence Fishburne qui a été annoncée au casting. Alors apparemment, il jouerait le rôle de l'assistant donc de Michael Douglas et qui serait connu sous le nom de Black Goliath pour les fans. Ah non, c'est Goliath. Alors moi j'ai trouvé Black Goliath sur. Ah ouais, c'est Goliath. Moi ouais, c'est Goliath. Ah bah écoutez, sur plusieurs articles, il était cité en tant que Black Goliath. C'est un peu raciste. Moi je ne connais pas. Fishburne, Black Goliath. Voilà. Bah écoutez, c'est comme ça qu'il est écrit sur. Pour les gens qui connaissent pas le perso, Goliath c'est celui qui meurt dans Civil War. Pendant. Défoncé par le clone de Thor. Ouais voilà, dans le comic Civil War. Ok. Donc voilà, c'est une espèce de giant man du pauvre. Ouais. En black. Voilà. Bah écoutez, moi je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, mais je l'ai vu sur plusieurs articles crédité sous ce nom. D'accord. Donc, écoutez. Donc ce sera le meilleur ami black de. Voilà. Et de Michael Douglas. Au niveau casting, on retrouve également Anna John. Canu, excusez-moi, je connais pas encore bien son nom, qui joue dans la série Killjoy. Et apparemment, elle va jouer le vilain qui s'appellerait Ghost. Qui peut il y a deux vilains d'annoncer, je crois. Alors, ce que j'ai compris, apparemment, ce personnage pourrait changer de sexe. Enfin, c'était pas super clair dans la news que j'ai trouvé. De sexe. Si c'était qu'il était masculin. Alors, j'ai pas compris si c'était qu'il était masculin Ghost. Dans les comics et qu'il serait devenu féminin dans le film. Ah. Ou c'est qu'apparemment, il peut changer de sexe. Ah, je croyais que son pouvoir, c'était changer de sexe. Non, non, mais apparemment, bah, Ghost, il peut apparaître voilà, quoi, partout. Mais il y avait cette info-là, donc j'ai pas compris pourquoi ils insistaient vachement là-dessus. Donc, je vais vous demander. Bah, peut-être que le personnage est masculin dans les comics et ils ont mis une meuf à sa place, quoi. À côté, ouais, peut-être, ouais. Je ne sais pas. Ensuite, alors au niveau des bandes annonces, on en parlait. On a eu donc de nouveau qui est repassée, donc elle a été passée au D23 et elle est repassée aussi Comic Con, donc la fameuse bande annonce sur Avengers 3. Ouais. Donc elle a filtré sur le net du coup. Donc si vous avez pu voir. On a eu la chance de le voir. Ouais. J'ai plus le temps. Bon, moi j'ai lu les descriptions, franchement... j'ai vu la bande annonce. Alors il y a énormément de personnages, sans spoiler, je dirais juste qu'il y a énormément de personnages. Et je vois pas comment ils vont. Ouais. Mais comment ils vont gérer ça, quoi. C'est un truc fou. Et on a eu justement une affiche où on voit. Alors moi ça me gêne. L'affiche elle est cool. Le point coiffure numéro 2. Pourquoi la Black Widow est blonde ? Ah, on s'en fout. Eh ben, elle a qu'à rester rouge. Voilà, ouais, non, mais... on va dire ça. C'est débile, enfin bref, je vais pas m'énerver là-dessus. Non mais sinon, moi j'ai vu le trailer en qualité dégueu avec une meuf qui passe un moment par-dessus l'écran, donc c'était un peu dégueu, mais ouais, ça donne envie, mais... Je sais pas, en fait, Faye m'avait dit « Ah, tu vas voir, tu vas l'adorer, c'est génial et tout. » Alors, parce que moi je t'ai rien dit, hein. Je t'ai mais juste dit ce que j'avais lu en description. Tu l'as pas vu en HD. Ouais, genre en HD, calé et tout, il est fou. Moi je t'ai rien dit, je t'ai dit je pense que tu vas aimer, mais je t'ai pas dit c'est génial, c'est extraordinaire. Si, tu m'as dit tu vas aimer, nanani. Non, je t'ai dit je pense que tu vas aimer, et je t'ai juste dit un peu ce qu'il y a dans la description. Je sais pas, moi dans ma tête c'était génialissime et tout. Mais enfin, bref, alors, par contre au niveau de bande-annonce qui était pas mal et qui est vraiment une de celles qui est le plus ressortie au niveau tu vois, des témoignages des gens, c'est la bande-annonce pour Thor, donc Ragnarok. Ah, Ragnarok, ouais. Voilà, qui était assez sympathique, je trouve, moi ça m'a bien donné envie. Cool. On voit Kate Blanchett, Carrie Urban, Lord of the Ring Réunion, c'est génial. Rien que pour ça, je suis contente. Il y a eu aussi une nouvelle affiche qui est sortie, alors je suis pas très très fan. Ah si, moi j'aime bien l'affiche. Il y a un côté Suicide Squad, je trouve que c'est trop coloré quoi. Enfin, ça me... Non, vous êtes pas d'accord. Ouais, hein. C'est comme l'affiche d'Avenger, elle est ultra colorée aussi. Hein. Ouais. Ouais, ouais, mais je suis pas super fan. Et par contre, il y a aussi des affiches par personnage, donc il y en a une pour Thor et une pour Hulk. Et en fait, sur Internet, j'ai vu un truc, ça ressemble beaucoup aux affiches qui ont été faites pour le film Warcraft. C'est exactement pareil, vous irez voir. Avec le côté bleu, le côté rouge, avec le fond noir derrière, enfin c'est... Il s'inspire. C'est... Ouais, bah c'est dommage, quoi. Ils auraient pu faire autre chose. Sinon, rayon série, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a eu une bande-annonce pour la nouvelle série qui va sortir, The Gifted, ouais. Qui sera donc liée à l'univers des X-Men. Par contre, ça a été dit qu'il n'y aurait pas de crossover avec les films. Donc, dans la série, on retrouvera... Ouais, on retrouvera Amy Acker, que j'adore, qui était dans Angel, qui était dans plein de séries. Ouais, il y a Stephen Meyer aussi qui était dans Voilà, aussi qui était dans Troublade. Et bon, moi j'ai bien aimé cette bande-annonce, ça m'a donné envie de regarder la série. Les effets spéciaux sont pas dégueux. J'aime bien le speech, je trouve ça original. Voilà, en gros, c'est des parents qui vont découvrir que leurs enfants ont des pouvoirs et qui vont devoir les protéger en fait de gens qui veulent les arrêter. On peut voir un peu un lien, je crois, avec la série Légion, avec des gens justement qui recherchent des mutants. Ouais. Pourquoi pas, peut-être, s'ils arrivent à s'entendre, lier les deux, je sais pas. C'est une série de. Ce sera sur quoi déjà? Alors, c'est sur Freeform. Je crois, oui. Non, oui, ça sera sur Freeform. Okay. Je sais plus. Bon, bah. Bon, enfin, bref, voilà. Ensuite, du côté Marvel chez Netflix, on a appris que les séries Defender et Iron Fist ont été renouvelées. Ouais, bah, il y a eu un trailer aussi. Il y a eu un nouveau trailer pour Defender, j'allais le dire, qui était sympathique. Avec Stanley qui fait le. On qui s'en fait fout, le narrateur. Il y a Sigourney Weaver dedans. C'est Mais pour y a ça Stanley que je regarde le narrateur série. Aussi. Il y a. John Bertal. Ah oui, oui. Oui, oui, et puis il y a l'annonce de... Bah, j'allais en parler, on a eu des premières images aussi pour Punisher. Ouais, un poster. Donc, a été... Ouais, ouais. Et ensuite, voilà, pour Marvel. Mais là, si le trailer de Defender est cool, moi ça m'a donné envie de voir. On en voit peut-être un peu trop, mais je trouvais que c'était sympa. Il a l'air sympa, et je pense que ce sera plus rapide que les premières séries. Avec un rythme plus... Leur série séparée, mais déjà, au niveau d'Iron Fist, le peu de baston qu'on voit, j'ai l'impression qu'il s'est quand même un peu plus entraîné, on va dire. Ouais, bah, en même temps, il est à côté de Daredevil, donc il est obligé de faire, de faire le taf. Mm-mm. Alors ensuite, on passe chez DC, donc du côté Warner, où c'est le bordel, mes amis. Hein. Oui, ça a été assez mouvementé assez ce week-end. C'était magnifique. Alors, au niveau des prochains films... On a appris qu'on aurait donc du Suicide Squad 2, Wonder Woman 2 qui a été dit. Harley Quinn versus Joker. Merci James de. En effet, donc Harley Quinn versus Joker, Bad Girl par Joss Whedon, c'est Dieu vivant. Et enfin bon voilà, toutes sortes de films. On a appris aussi que Flash allait devenir Flashpoint et qu'il est programmé pour 2019. Alors moi je trouve que c'est une bonne idée. Et il n'a pas de réalisateur toujours. Hein. Parce que j'ai vraiment. Flashpoint est un c'est le run par lequel j'ai vraiment commencé sérieusement DC. Et c'est un très très bon run. Je trouve ça cohérent puisqu'il s'inspire vachement des New 52, donc. Ouais. Y a pas. Mais du coup, ça aurait dû être avant. Bah non, parce que justement, il casse le rythme par rapport à Marvel. On reviendra dans le temps et puis on repartira. Bah ouais, mais disons que ça a été. Enfin, l'annonce Flashpoint, ça a été pris pour. Par beaucoup de personnes comme une annonce de reboot, et justement on avait une rumeur comme quoi en fait la Warner voulait un peu mettre en évincer, dehors voilà évincer merci James Ben Affleck et celui-ci a un peu il a démenti hein. Voilà, il a démenti mais bon il a juste dit qu'il était content de faire le rôle et qu'il serait dans le film Batman de Matt Reeves, il a pas parlé de la suite et il y a pas mal de rumeurs qui courent comme quoi justement on lui a dit de calmer le jeu comme ça, mais que grâce à Flashpoint, il pourrait peut-être être poussé vers la sortie. Donc. Et vous me disiez en antenne que sa vie personnelle est un peu mouvementée, et du coup, c'est peut-être un des aspects qui fait que. Il y a des rumeurs justement comme quoi il s'était un peu pris la tête avec les gens de Warner, parce que justement, lui, il voulait un bon film, tu sais, un peu la news comme tu avais sorti. Ouais, qu'il le ferait pas tant que c'est pas. Voilà, et que du coup, ils en avaient un peu marre, qu'ils voulaient vraiment sortir un truc et tout. Ouais. Donc, ils l'ont mis de côté, ils ont demandé. Alors, ça, c'est des guillemets, c'est les bruits qui courent. Qu'ils auraient demandé justement à Matt Reeves de ne pas prendre son scénario et de partir sur autre chose pour qu'il leur foute un peu la paix en fait. Mm-hmm. Donc écoutez, on va voir. Sinon, niveau film, je vais te citer, il y a aussi Green Lantern Corps qui est prévu. Ouais, ça c'est cool. Voilà. On a eu un trailer pour Justice League. Pardon. Moi je te coupe, mais moi ce qui me saoule, c'est qu'ils annoncent des trucs, mais on sait que ça sortira jamais. Mais c'est ça. Genre le Flame Flash, ok. Cyborg, on sait pas quand ça va sortir. On sait rien. Autant tu vois, je trouve que d'un côté t'as Kevin Feige qui est vachement contre le fric, qui dit bon, mais voilà, tel jour, à telle heure, à telle date, vous avez le film dans votre ciné. Et t'as eux à côté, on annonce pour comme ça l'actionnaire moyen est content. mais en fait on sait rien et Flashbone ça va se casser la gueule et dans 6 mois on vous fait un nouvel univers quoi. Enfin, c'est ça, ça c'est pas organisé et Flashbone c'est pas forcément un reboot hein. C'est forcément un reboot. Bah, franchement, vu comment ça part en connerie. Flashbone, c'est le début du New 52. Oui, mais c'est un titre. T'es en train de spéculer sur un titre. Bah, c'est comme s'il l'avait appelé Infinite Crisis. Tu vas pas me dire après, c'est juste une histoire où ils se battent, tu vois. C'est le titre, il veut dire. C'est comme Civil War, ça voulait rien dire Civil War. Bah, du coup, il y a les conséquences. C'était censé vouloir dire un truc, mais ça t'est maltraité. Et là, le fait qu'il fasse Flashpoint, ça peut avoir du sens par rapport à ce qu'on a vu dans BVS, par exemple, avec le rêve là, sur Batman, enfin, choses comme ça. Mais on a plus l'impression que les mecs, ils savent pas ce qu'ils font encore avec leur univers. Bah, ça va être Flash qui veut quitter l'univers de. Ben, l'univers qu'on a un peu entreaperçu dans BVS. Et qui va essayer de revenir dans cet univers. On sait pas, franchement, c'est tellement. À mon avis, ils appellent ça Flashpoint pour pas l'appeler Flash, et qu'en fait, ça va être comme Spider-Man, où ce sera pas un film que Spider-Man, mais il y aura plein de monde avec lui autour. Je sais pas, franchement, moi j'ai des doutes, j'aime ça, c'est un peu. J'ai l'impression qu'ils annoncent des trucs pour calmer les gens, mais qu'en fait, comme dit Maxime, ils vont pas faire la moitié de ce qu'ils ont annoncé. Hein. Moi, le trailer qu'ils ont montré, parce qu'il y a un trailer pour Justice League qui va sortir en novembre, je crois, maintenant. Il est super. Il est vraiment génial. Il est très bien, mais du coup, les démons sont géniaux, tout est. Alors, je suis partagée parce qu'il y a des moments, ça fait vraiment très. On voit le fond vert, quoi. Il y a des scènes, c'est ridicule. Et je trouve que le personnage que j'aime pas, Cyborg, il est super mal incrusté. On a l'impression que le gars, on voit très bien que sa tête, elle est collée sur un truc, quoi. C'est mal fait. Je trouve qu'il y a un forcing sur Superman, tu vois. Genre, à la fin, on te balance qu'il revient, en fait. Mais oui, c'est ça. Tu vois, j'aurais préféré. Tu savais qu'il allait revenir. Oui, mais du coup, nous, on le savait parce qu'on lit les comics, mais genre le mec qui s'y attend pas, genre tu te dis ok il est mort, on en fait un pataquès deux films avant et ça sert à rien, tu vois. Ça monte beaucoup trop. Il est crédité, hein. Oui, voilà, il est crédité. Oui. Mais ils ont communiqué autour, ils ont fait des photos promo où il est dessus. Dans les goodies, ils ont balancé les goodies, et dans les goodies, il y a Superman normal. Quoi. Non, on a vu son costume noir, on a vu ses photos avec son costume noir de Superman. Non, mais il faut virer la personne qui est en charge de la communication et prendre une personne digne de ce nom pour vraiment gérer cet univers. Quoi. Moi, le trailer m'a vraiment hypé en mode. J'ai vraiment envie de voir Justice League. Bon, j'avais déjà envie de le voir de base. Mais même les trailers qu'ils ont. Non, les posters qu'ils ont mis en avant, moi je les trouve vraiment cool. Le poster Alex Ross il est énorme. Bah, c'est sûr que ça change de ce que fait Marvel en poster, c'est dégueulasse. Là, voilà, ils essayent de trouver des solutions, mais déjà la bande annonce a été trop longue. Il fallait faire plus. Genre, après Justice League, c'est quoi le prochain film? Je sais pas. Ça doit être Aquaman. Ouais, Aquaman, ouais. Ça doit être Aquaman parce qu'on sait qu'il est en train de tournage. Oui. Il est quasiment fini. Il y a eu des nouvelles images qui ont été montrées au public. Que du coup, regarde, genre pour donner Marvel, tu sais qu'après t'as Thor, Black Panther, Infinity War, et tu peux donner 10 films. Ouais. Mais qu'est-ce que ça change à la qualité du film de savoir tu vois que les mecs ils construisent leur truc petit à petit, enfin sur le long terme, tu vois, qu'ils pensent gros, que eux tu sens qu'ils sont là, putain, vite. C'est d'ailleurs autre exemple de mauvaise communication de DC, c'est le film Shazam où on a beaucoup communiqué autour de The Rock, qui serait donc le méchant du film, donc Black Adam, ouais. Et là on vient d'apprendre qu'il serait pas dans le film. Donc pourquoi, quel est l'intérêt de communiquer alors qu'ils ont, à mon avis, ils ont casté le mec qui va faire Shazam, mais ça doit être un mec pas connu. Et ils essaient de faire monter la hype. Oui, mais là, en annonçant ça, c'est complètement débile. Et les gens qui auraient été tentés de voir le film, ils vont peut-être pas y aller, tu vois, parce qu'ils ont eu l'impression qu'on les a utilisés. Enfin, il y a vraiment un problème. Ils vont savoir que si tu mates pas le premier, il va forcément être dans le deuxième. C'est pas cohérent. Ils grillent pas leurs cartouches tout d'un coup. Moi, ça me dérange pas de pas avoir. Du coup, il sera pas Black Adam parce que Black Adam, il est dans la genèse de Shazam. Ce sera difficile de faire un film Shazam. Mais tu peux faire une BD Shazam sans parler de Black Adam au début, quoi. Non, mais pour l'introduire au niveau de tout le monde, du spectateur moyen, ils sont très liés, ces personnages. C'est un peu comme Green Lantern et Sinistro. Exactement. Non, mais c'est super maladroit de communiquer sur un truc et finalement dire oh, bah voilà, on s'est servi de vous pour vous intéresser à ce film parce que sinon vous en serez pas intéressé. Et tu vois, limite, je suis là, je vais passer à l'aspect série. Je trouve que la CW, c'est beaucoup plus cohérent comment ils gèrent leur multiverse avec leur série que les films, quoi. Et là, justement, on a eu des bandes annonces. Oui, je vois qu'il est 50 et qu'on aura pas le temps de faire Neil Bitter. Je suis vraiment désolé. Bah, la semaine prochaine, sinon. Ouais. En fait, je pensais que ce serait la dernière de la saison, mais j'ai appris cette semaine que. Enfin, tout à l'heure, qu'on pouvait en faire encore une. Donc, la prochaine fois, on fera. Soit on fait un quiz, soit on fait Neil Bitter. On verra. Vous dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Un quiz Neil Bitter. Un quiz Neil Bitter, exactement. Alors, dans le tome 1, quelle est la phrase qui est prononcée par le personnage? On verra selon l'envie des gens. Autour de la table et l'envie des auditeurs. Vas-y, continue. Ouais. Sur donc ouais, je disais, on a eu donc des bandes annonces pour les prochaines séries, donc Supergirl, la nouveauté qui va arriver, Cloak and Dagger. Non, c'est pas ça. Cloak and Dagger, c'est chez la nouveauté Black Lightning. Excusez-moi, j'ai vu trop de trucs. Et on a eu des bandes annonces pour Arrow et Flash qui m'ont donné assez envie. Et mais surtout, ce qui m'a donné très très très envie, c'est que dans Arrow, on a annoncé l'arrivée de Michael Emerson. Donc pour ceux qui connaissent Lost, Benjamin Linus, ouais. Il était aussi dans Person of Interest. Ouais. Il a doublé également le Joker dans les films Dark Knight, Batman. Ouais, c'est ça. Et il était très très bon. Donc c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et dans beaucoup. Le premier saut aussi. Ouais, et je pense qu'il peut relever le niveau, surtout qu'on a annoncé qu'ils avaient vraiment retravaillé, enfin ils nous promettent d'avoir retravaillé leurs histoires et qu'on aurait une structure différente, donc ça peut aller avec le souhait de l'acteur principal de la série qui voulait améliorer son show, donc pourquoi pas. J'ai vu sa perruque dans les flashbacks de la saison 1 et je me suis dit, plus jamais. Oh, si je t'arrête à une perruque, alors là tu regarderais plus aucune série. Bah, je regarderais pas Les Inhumains. Je vais vous dire, moi après avoir vu Final Fantasy, il y a eu un nouveau trailer où je vais te dire pour Les Inhumains, mais bon, c'est pareil, c'est des problèmes ouais, de perruque. Pas du rêve. D'ailleurs, pour les gens. Je peux finir mes news quand même, ça serait. Je sais pas si, laisse-moi finir. Je sais pas si on en a parlé, mais Inhumains, les deux premiers épisodes se passeront au Go Multiplex, donc si vous avez envie de regarder. Enfin, de je pense perdre que, deux heures. Nous on va y aller parce qu'on a la carte et qu'on paye pas. Mais pour l'anecdote, ouais. J'ai dit à James, tu veux y aller? Il m'a répondu oui. Avec un point, genre, il était au bout de sa vie, genre, oui, j'y vais, mais j'ai pas envie d'y aller. C'est vrai. On y va pour le c'est vrai. J'y vais juste parce que je paye pas le ciné, quoi, mais sinon. Oui, et je peux continuer. Vas-y. Tu m'as coupé. Et donc, autre bonne nouvelle qui fait que je vais regarder Flash, c'est qu'on a annoncé Danny Trejo dans la série. S'en fout, Danny Trejo. C'est Machete. Avec une belle moustache, et rien que pour ça, je regardais ses idoles. Il a fait un. Enfin... Et monorôle, l'acteur ouais, monorôle. C'est... Il est dans Breaking Bad. Il me semble qu'il a joué dans un film. Dans L'El Paso. Ah, c'est un film mort de rire. Il faisait un chasseur de zombies, mais dans un nanar, que j'ai jamais autant ri. Je crois que ça s'appelait. Il a joué dans Une Nuit en Enfer, non? Oui. C'est un ami justement de Rodriguez. Il est dans Une Nuit en Enfer, dans beaucoup de films, dans Desperado. Ouais, mais être ami avec, avec Michael Rodriguez. Robert Rodriguez, ça veut pas dire que t'es un bon acteur. Ah, bah, pourquoi? C'était très bien. Oh là là, mauvais. Et voilà, j'arrive à. Et t'as fini? Oui, voilà. Après t'avais des trucs d'animation, mais je porte. Oui, il y a eu les premiers. Ah oui, il va y avoir un film Suicide Squad en 2018 au niveau animation. Ouais. Batman qui a l'air intéressant, que ça se passe. Alors, je sais plus. Ah oui, il y a Batman Gaslight, voilà, donc, Gaslight. Le titre Batman de Mac Mignola qui va être adapté en animation. Donc moi, ça me. Ah, c'est bien, c'est un Batman en fait donc, qui va c'est mener l'enquête. Batman à l'époque victorienne dans Londres qui va mener l'enquête sur Jack Lemmon. Et j'avoue que j'ai pas lu ce titre de Mignola. Moi aussi, et comme j'aime beaucoup ce qu'il fait, je pense que je vais essayer de le trouver rapidement. Bah, si ça sort en animé, à mon avis, ça, ils vont Urban va. Ouais, mais j'ai envie c'est de pas le truc Batman et la malédiction qui s'abattit sur Gotham. Ouais, c'est. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, là, il cherche Jack l'Éventreur. Ah non, c'est pas ça. Ça doit être un autre. Bon, tu l'as lu ça ? Okay. Non, mais j'en avais envie de. Il est sur ma liste d'achat Amazon. D'accord. Et alors, ensuite, on sait qu'ils vont faire Superman Doomsday qui sera coupé en deux films. Ah oui. Donc, Death of Superman en 2018. Et en 2019, ça sera Reign of Superman. Et aussi, on a eu les premiers designs de la suite de Young Justice. Donc voilà. Kid Flash est de retour. Ça c'est cool. Ça c'est du spoil. De quoi? Bah non. Pas forcément. En plus, je sais même pas s'il est sur la. Je l'entendais afficher. Non, j'ai pleuré, il y est pas. Ah, il y est pas, bah non, il est pas de retour alors. Bon, en tout cas, c'est une très bonne série continuer. D'animation, Young Justice, si vous avez pas vu. Wally West est mort pour nos péchés. Mais arrête, le mec il spoil quoi. Ah, c'est vrai. Tout le monde a vu Young Justice. Tout le monde a vu Young Justice, c'est sorti il y a 4 ans au moins. Il y a prescription. Il y a prescription. Donc, bah voilà, il est 54, on a bientôt fini. Moi, peut-être pour finir, je peux vous conseiller d'aller voir Dunkerque qui est vraiment très très cool. Et si vous êtes à Montpellier, franchement. En IMAX, ça vaut le coup. IMAX, ça vaut le coup. Et allez voir Baby Driver parce que c'est tout aussi bien. Mmh. Et un dernier truc que j'ai oublié parce que en voyant Romain, j'y pense. Donc aujourd'hui, j'ai relié le parce qu'on avait un groupe Facebook Comics Discovery et j'ai vu aujourd'hui qu'on pouvait faire le lien entre la page et le groupe. Donc maintenant, si vous voulez discuter avec nous de comics ou d'annonces ou ce genre de trucs, et ben vous avez le groupe qui est fait pour ça. Donc voilà, vous pouvez aller vous inscrire et venir discuter. Et j'ai lancé un sondage parce que Romain avait eu une idée. Vas-y, si tu peux lancer ton... J'aurais bien aimé relancer la VO sur Montpellier, ce qui est mort depuis des années. Ouais, parce que Planète le fait plus. Laisse-le parler, on a plus beaucoup de temps. Et en gros, j'aurais aimé ça. James a lancé un sondage pour savoir qui serait intéressé par lire de la VO sur Montpellier. Et on essaierait de faire des commandes groupées, où on ferait des soirées où on distribuerait les comics des commandes groupées, justement pour pouvoir éviter tous les gros frais de port qu'on paierait depuis les États-Unis. Ouais. Et puis pour pourquoi pas discuter un peu, profiter de lecteur de comics. Lecture. Ouais. Et du coup, tout reste à faire encore, à savoir quel soir ça nous conviendrait. Mais ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être sympa, ouais. Donc, un peu comme disait Maxime, des réunions Tupperware, mais avec des comics VO. Donc moi ça m'avait pas beaucoup, je suis intéressé. Donc voilà, allez, si ça vous intéresse aussi, si vous avez envie de lire de la VO, ou même si vous avez juste envie de faire des soirées entre lecteurs de comics, allez répondre au sondage. Comme ça, s'il y a une bonne partie de personnes qui répondent, on organisera ça. Et parce que si on n'est que 3 à le faire, c'est pas intéressant. Si on n'est que 3, on va partager les frais de port de rien, quoi. Il est 56. Oui, je voulais juste rappeler qu'on a sorti une émission à Geek en série, j'en profite. Oui, elle fait sa promo. Sur 13 Reasons Why, une émission qui était très dure à faire, mais qu'on conseille d'écouter parce qu'on a mis nos tripes dedans. En sortant l'émission, j'étais un merde. C'était un peu. C'était dur, mais en fait, c'était un peu trop dur, mais finalement, ouais, c'était pas mal. Et je voulais juste dire aussi, excuse-moi, James, j'en profite. Si vous voulez découvrir un peu plus Joss Whedon, sa vie, son œuvre, il y a un podcast excellent qui est sorti qui s'appelle Hommage collatéral. Qui est une très très bonne émission. En gros, dans chaque émission, ils prennent une personne, un écrivain, un cinéaste. Ils ont fait la première sur Neil Gaiman. Voilà, et donc là c'était sur Joss Whedon. Et il y a une belle équipe de gros spécialistes de Passion Whedon. Donc si vous voulez voir sa relation aux comics pour voir un peu ce que ça pourrait vous donner comme aperçu par rapport à ce qu'il va faire pour Warner, bah écoutez, hommage collatéral. Est-ce que t'as une attente ou un truc à partager en une minute Moi j'attends d'aller au cinéma cet été. J'attends de voir. D'abord Baby Driver, mec. Baby Driver, c'est ouf. J'attends tellement La Tour Sombre et surtout La Tour Sombre. Le troisième volume de La Planète des Singes. Baby Driver, franchement, Baby Driver, c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Je sais pas si j'aurai le temps, mais en tout cas, c'est sûr que je rattrape pas La Planète des Singes. Je verrai après. Maxime ? Moi j'attends de rentrer chez moi pour pouvoir remater mes deux épisodes de GOT que j'ai pas vu. D'accord. On a vu le deuxième et c'était pas mal. C'était bien. Il y a des scènes un peu gratuites. Bon, on va passer à la deuxième. Et d'ailleurs, je vous parlais de Baby Driver. C'est un titre de Baby Driver. C'est Bell Bottom, The John Spencer Blue Explosion. Et voilà, on va vous laisser pour ça. Sachez que vous avez le site internet, donc comicsdiscovery.fr, et vous avez les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, tout ça, Comics Discovery, et le groupe Facebook maintenant. Donc voilà, vous avez tout. Et donc, dites-nous si vous voulez, pour la prochaine émission, soit le titre qu'on devait parler aujourd'hui, soit les beaters, soit un quiz, soit autre chose. Soit les deux. On vous parlera de recettes de cuisine, peut-être. Allez, bye. Au revoir. Thank you very much, ladies and gentlemen. Right now, I got to tell you about the fabulous, most groovy Bell Bottoms. Bell Bottoms. What you got?